À l'occasion de la journée de la brillante étoile, la maison d'édition Knijini Mir Russie a publié en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un. La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr. Il y a eu la cérémonie de parution. Y ont pris part les personnalités et les membres de la maison d'édition de l'Association russe d'amitié et de coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée, du groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, ainsi que l'ambassadeur coréen en Russie et ses collaborateurs.